La poésie peut-elle réellement sauver le monde? C'est, mes chers auditeurs, l'objet de notre chronique. Si l'on en croit Paul Éluard, la poésie est une arme chargée de futur. Autrement dit, c'est un moyen de faire bouger les choses et faire prendre conscience aux gens que la poésie a un pouvoir révolutionnaire. C'est sans doute cette détermination qui leur a fait parachuter sur les champs de bataille son fameux poème « Liberté ». Et par le pouvoir d'un mot, nous dit-il, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Le rôle révolutionnaire de la poésie était déjà souligné chez les romantiques, en particulier sous la plume de Victor Hugo. Le poète est un guide spirituel. Dans Les rayons et les ombres, en 1840, Victor Hugo affirme que le poète doit éclairer le monde et montrer la voie. Il dit « Le poète, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. » La poésie a une fonction morale et politique. Il croyait à une poésie engagée qui prend le parti des opprimés et qui dénonce l'injustice. Pendant son exil, suite à son opposition à Napoléon III, il utilise la poésie comme outil de résistance. La poésie serait universelle et intemporelle, pensant que la poésie parle aussi au cœur de tous les hommes au-delà des siècles et des frontières. Dès lors, peut-on appliquer ces idées dans notre imparfaite modernité? Les plus engagés s'empareront d'un « oui » décisif. Les plus pessimistes diront « non ». Est-ce qu'il est probable qu'à la lecture d'une poésie, un tyran puisse céder les armes? Est-il possible qu'au visionnage d'un tableau magnifique, un homme violent puisse devenir docile? Au-delà de ces situations extrêmes, citons quelques exemples. Une étude menée durant la pandémie de Covid montre que lire ou écrire ou partager de la poésie a aidé des personnes à surmonter solitude, anxiété et isolement. Le site poetryandcovid.com et plateformes similaires a servi de bouée de sauvetage morale pour beaucoup. Juste l'acte de consulter des poèmes a eu un effet, dit-on, apaisant. Dans l'édition Le retour en grâce de la poésie, on signale que des initiatives comme des consultations poétiques sont proposées dans des hôpitaux, écoles ou centres d'hébergement d'urgence. Ces actions montrent que la poésie n'est pas seulement abstraite ou esthétique, mais qu'elle peut avoir un impact concret sur le bien-être, sur la dignité et bien évidemment sur le soutien moral. Consultant ces idées-là, on peut légitimement dire que la poésie peut, dans une certaine mesure, sauver le monde. On a tous connu de ces mélancolies qui plombent que viennent libérer le galop de l'encre, l'audace de la plume. Et qu'on soit Victor Hugo ou un simple composeur de mots lambda, on arrive toujours à faire sortir du stylo ou du crayon quelque chose qui oscille entre la peine et la joie, et entre le désespoir et la magie. Qu'on fasse des vers, qu'on fasse de la prose, finalement, peu importe les mots qui jalonnent une page, on pourrait croire qu'ils ne parviendront jamais à atteindre le summum de l'expression d'une émotion. Et pourtant, ralentissant notre descente aux enfers, la poésie peut parfois, sans qu'il n'y paraisse rien, nous raccrocher à quelques zones de lumière qui, bien observées, finissent par devenir les meilleures baignades qui soient. Et si, plongés dans l'univers réconfortant de la poésie, nous nous offrions une nouvelle pause musicale? Man, I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you. And while combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Yeah. Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Peut-il y avoir un lien entre réconfort et poésie au-delà de la libération de nos mots ? Le poète allemand Rilke disait que la seule patrie, c'est l'enfance. Ou comment comprendre que tout l'objet de nos vies d'adultes est de savoir qu'un enfant réside encore et toujours sous les tissus qui se rident au passage des années ? En cela, la poésie peut être réconfort et donc moyen de sauver, si ce n'est le monde, notre monde. On accuse souvent les nouvelles générations d'assumer une forme d'utopisme que les vieilles générations trouvent parfois trop éloignée d'un pragmatisme crasse. Et si c'était pourtant cette ambition-là qui allait faire la différence ? Est-ce que, au-delà des guerres que quelques grands gens s'inventent, on pouvait trouver l'immense consolation, l'immense réconciliation dans la fraternité ? Des élèves d'école primaire se sont réunis pour un poetry slam, à Glasgow, c'est le fameux anglais de Lucas, un poetry slam donc à Glasgow qui avait pour thème la nature, la pollution, le changement climatique. L'événement organisé avant la National Tree Week a permis aux jeunes de s'exprimer sur ce qui les inquiète pour leur futur environnement. Une ambition qui est donc dans la crainte du monde qu'on leur a laissé à ces jeunes. Et comment finalement, dans toute l'ambition de leur jeunesse, on peut tout faire pour le reconstruire, voire le modeler pour en laisser un plus beau. Seule condition ? Eh bien, Rilke, je le disais, l'avait prétendu, notre seule patrie, c'est l'enfance. Dans l'enfance, point de guerre, si ce n'est celle des boutons. Dans un poème d'un recueil qui n'est hélas pas encore publié, j'avais pris le soin d'écrire « Partage à qui est ton plus bel ami ». Dis-lui tout ce qui t'écœure et souviens-toi de penser aussi à lui. Tout ce qui est de ton tourment deviendra sur l'heure suivante ton moteur de tous les instants. Tu connaîtras la déception qui te hante et parfois la plus infernale, mais ne t'attarde sur rien et cavale. Cavale après la vie qui court autant que le temps la suit. Ton cœur pardonnera alors plus vite, encore et encore. Ton cœur est un trésor d'éternité. Ne sois jamais intimidé d'oser être de tous le plus amoureux. Mais cela, ne le garde que pour celles et ceux qui sauront reconnaître ce qui brille en toi et qui redonne aux autres leur force parfois. Vous l'aurez compris, chers auditeurs de Radio Fadjet, une immense ambition de paix et d'amour qui, pour les plus pragmatiques, vous semble dérisoire ou naïve, mais qui fait pourtant le fondement d'un monde pacifié. Conjuguée à l'ardeur de la poésie, cette dernière peut peut-être sauver le monde, qui sait ? En fait, puisqu'il s'agissait de composer cette chronique autour d'une phrase de Siméon, tentons aussi de lui donner un peu de voix sur ce qu'il pensait de son nom de livre paru en 2015. Jean-Pierre Siméon affirme que la poésie est vitale, insubmersible face au chaos du monde. Je cite « La poésie ne sauve pas le monde, elle empêche qu'il meure tout à fait ». La poésie, l'art et finalement l'espoir qu'ils distillent gentiment sans qu'il n'y paraisse rien sont donc le ciment d'un monde éternel. Et c'est cela que la poésie garantit depuis des siècles. D'Ésope, en passant par Virgile, allant de Pisan à Marie de France, Ronsard à Louise Labbé, Colté à Chénier, Lamartine à Rostand, Apollinaire à notre monde, ce ne sont rien que les mots qui nous font renforcer les valeurs du monde. Toujours grâce à la poésie qu'on fédère. Les seules entités qui séparent dans les vers, ce sont les hémistiches ou la ponctuation. Pourtant, si la poésie empêche que le monde meure, il apparaît aussi que la poésie ne sauvera pas pour autant le monde de ses vices et de l'ordure qu'il imprègne d'une odeur qui nous soulève parfois le cœur. La seule chose, et ça c'est moi qui vous le dis, qui pourrait possiblement changer, c'est l'espoir. Regardons la flamme jaillir d'une bougie, c'est peu ou prou la même chose. Tant qu'il y a de la vie, disait-on, il y a de l'espoir, et c'est bien une entité qu'il faut plus que jamais distiller dans l'art, l'espoir, et de manière générale et dans la vie, la possibilité d'y croire. Et ce sont sur ces mots aventuriers que notre pastille poétique s'achève, chers camarades. Il n'est pas de meilleure consolation que celle qui veut que le monde s'unisse quand la société prône la désunion. L'union est dans les plus petits niveaux d'espoir, un sourire ravi en passant, un geste désintéressé. Prenez donc bien soin de vous d'ici à notre prochaine rencontre radiophonique et n'oubliez pas, vous aussi, de distiller l'espoir dans chacune de vos actions. À très bientôt.